Chapitre 14e, Paris, Université Dauphine, mi-janvier. Le président Popov avait mis à la disposition d'Alexandre Kosloff tous les moyens disponibles pour obtenir le consentement de Léonov. Il avait trouvé judicieux que Kosloff se rende à Paris plutôt qu'il n'ait un entretien téléphonique. Dans une affaire aussi délicate que celle-là, une rencontre était tout à fait appropriée. Le vice-premier ministre était heureux que ses nouvelles fonctions le ramènent dans la capitale française, fût-ce pour 2 jours. La vie trépidante de Moscou, la structuration de ses volkodlaks, ne lui avait guère laissé de répit. À l'abri des hauts murs du Kremlin et de la tour Saint-Constantin et Sainte-Hélène qui servaient de quartier général à son groupe, Kosloff avait longuement rencontré les 9 agents retenus. Il mettait la dernière main à son recrutement. Après s'être déplacé chez Sernine, il se rendait à Paris pour rencontrer Léonov et Zidov. Si le prince Sernine semblait pouvoir être le leader du groupe, celui qui devait en être l'âme, c'était Victor Léonov. Quand Kosloff, encore à l'époque ambassadeur de Russie en France, avait reçu la note du président Popov demandant à 300 hauts fonctionnaires d'imaginer la Russie nouvelle, un nom lui était directement venu à l'esprit, Victor Ilitch Léonov. Lorsque Kosloff, suite à sa destitution du poste d'ambassadeur, partit pour Arkham dans le Massachusetts, les seuls documents qu'il emporta pour répondre à la commande de Popov étaient les notes qu'il avait prises à Paris-Dauphine lors des conférences où Victor Léonov analysait les forces et les faiblesses du système en place en Russie. Bref, sans Léonov, les Volkodlaks seraient sans doute restés comme un navire sans boussole. Arrivé de Moscou en matinée, Kosloff se rendit d'abord à son hôtel, le Ritz, puis à Paris-Dauphine, pour assister à la conférence que Victor Léonov donnait l'après-midi sur Walter Hallstein. L'auditeur qui veut prendre connaissance des grandes lignes de l'exposé de Victor Léonov peut consulter les archives du Kremlin en annexe au document H. Léonov ouvrit son propos sur la réunion stratégique qui eut lieu en 1944, hôtel de Maison Rouge à Strasbourg, au cœur du petit Anschluss alsacien. Ce fut lors de cette réunion, dit-il à l'Assemblée, qu'un plan secret en 3 temps fut élaboré pour édifier le 4e Reich. À la grande joie de Kosloff, il les énuméra. Ensuite, il évoqua le rôle de Walter Hallstein, un célèbre professeur de droit, mais surtout un éminent juriste nazi. Il prit le temps de se verser un verre d'eau et de le boire lentement par petites gorgées. Il appuya sur la télécommande du rétroprojecteur qui afficha le scan d'un papier jauni par le temps. Pourtant, en haut, le très reconnaissable sceau de l'État nazi. Le texte en allemand était tapé à la machine avec cette frappe irrégulière que produisaient les appareils de ce temps-là. Avant de poursuivre son exposé, il expliqua la provenance de ce précieux rapport du docteur Benning, rédigé dans les premiers mois de 1941 à l'attention d'Adolf Hitler. Il raconta ce lettre procuré lorsqu'il était directeur adjoint de l'Institut monétaire européen de Francfort. Autorisé par le directeur Alexandre Lamfalussy à fouiller dans les archives de la Reichskreditgesellschaft, il avait conservé ce texte révélant le dessein que poursuivaient en secret les héritiers du nazisme. Le feuillet que Léonov mettait sous les yeux de ses étudiants attestait, dans son préambule, que la Bundesbank et la Banque centrale européenne étaient en réalité le gouvernement occulte de la future Grande Allemagne, dont le dessein était de briser son cocon pour reprendre son vol, tel un papillon monarque. Après cette analyse dont Alexandre Kosloff se réjouit, Victor Léonov fit glisser le slide afin que le texte apparaisse cette fois en français. Il lut le passage proposé. Entendant les rumeurs qu'avait provoquées dans ce texte nazisto-fasciste de 1941 les concepts de communauté économique européenne et d'union européenne, il dit « Vous avouerez qu'excepté la référence au Führer, on pourrait croire un texte écrit par n'importe lequel des membres de la Commission européenne actuelle ou passée, n'est-ce pas ?» Il adorait sentir son auditoire captivé et désorienté comme les poissons qu'il attrapait naguère dans les eaux cristallines du lac Baïkal, pendant ses vacances d'été chez son grand-père. Un des bassistas de l'amphithéâtre était grand ouvert. L'air et le bruit de la ville arrivaient librement du dehors. La salle était claire comme pour une noce. Les gais rayons du soleil de janvier traçaient la figure lumineuse des croisés, tantôt allongée sur le plancher, tantôt développée sur les tables, tantôt brisée à l'angle des murs. Et de ces losanges éclatants aux fenêtres, chaque rayon découpait dans l'air un grand prisme d'or. Le public avait l'air satisfait, probablement de la joie de comprendre malgré le caractère abscon du thème développé. la tête blonde et bouclée de Lenoff, doucement éclairée par le reflet d'une vitre, avec quelque chose de doctoral et d'érudit. Il afficha alors à l'écran un article du Daily Telegraph du 19 septembre 2000 qui rendait public les documents confidentiels du département d'État américain pendant les années 50 et 60. Pour être certain que tout son auditoire saisisse bien la force et l'ironie qui étaient sous-tendues par le choix de Rome et du palais des consuls, il évoqua le combat entre les Horaces pour Rome et les Curias pour Albe. Cette digression terminée, il revint à Walter Hallstein, son sujet. Toujours avec la même faconde qui faisait sa réputation d'orateur, il poursuivit son récit. Pour rendre son propos plus captivant, il intégra une musique en fond sonore pour assurer la transition et dit « Conscient que sa plongée dans l'Antiquité avec Tite-Live lui avait donné l'idée de ce haut lieu où souffle l'esprit, Hallstein sentit monter du fond de lui-même la mélodie que vous entendez. » Sur les portées musicales vinrent se poser le dernier couplet du Horst Wessellied, hymne du parti nazi, dont voici les paroles. « Pour la dernière fois, retentit l'appel au combat. Déjà, nous sommes tous prêts. Bientôt, les drapeaux hitlériens flotteront dans toutes les rues. La servitude ne durera plus longtemps. Je tiens à la disposition de ceux qui le désirent les autres couplets de ce chant. » Cette dissociation paroles-musique, astuce de Leonov pour diffuser un chant nazi dans les locaux de l'université, amusa l'auditoire. C'est sur cette note que prit fin l'exposé de Leonov et que s'ouvrit la foire aux questions à laquelle il prenait toujours grand plaisir. À la fin de la conférence, lorsque le public eut quitté la salle, le grisonnant Koslov, aux épaules tombantes, se rendit près de son ami Leonov, au physique de videur qui rangeait ses affaires. « Bonne conférence. L'assistance semble satisfaite de ton exposé, » dit Koslov, comblé par ce qu'il avait entendu. « Donc, d'après toi, l'Europe actuelle est un quatrième Reich qui ne dit pas son nom. » Esquissant un sourire, Leonov rétorqua. Elle en a les pratiques. La course à l'Est à marche forcée pour venir au contact le plus intime de la frontière russe. C'est en quelque sorte Barbarossa II, le retour. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'extrême droite dans les anciens pays du bloc de l'Est singe le décorum ou l'idéologie nazie. Ce n'est pas pour rien qu'en Ukraine, l'un des partis gouvernementaux au pouvoir a repris comme emblème le logo du I sur le N qui signifie « identité nationale », naguère symbole de la division SS Galicie, le tout protégé et soutenu par les Américains. Voyant Koslov satisfait de sa réponse, il ajouta « Bravo pour ta question, monsieur le vice-premier ministre. Content de te revoir. Tu as fait du chemin depuis mi-novembre à Elfo. Que d'eau a passé sous les ponts. Je suis honoré que tu aies pensé à moi comme théoricien du groupe. » Koslov savait qu'il flatterait Leonov en venant à Paris pour avoir confirmation de son accord. Il le mettait dans de bonnes dispositions, car il avait besoin de lui pour amener Zidov à rejoindre les 11 autres Volkodlak. « Que me vaut l'honneur de recevoir la visite d'un homme politique de ton rang. J'imagine qu'avec le travail que tu as, ce déplacement pour me rencontrer doit être d'une extrême importance. » Alexandre Koslov était heureux de constater que nul n'était besoin de mettre les points sur les i face à Leonov. Il analysait les situations et en tirait les conclusions adéquates. Il ne s'était pas trompé en lui proposant d'être le théoricien de la compagnie. « J'ai une première mission officieuse à te confier. Le président Popov et le premier ministre Kozakov ont choisi Roman Zidov comme 12e Volkodlak. Te sachant proche de Roman, je pense que tu sauras le convaincre de nous rejoindre. Où se trouve-t-il ? Au Louvre. Il se repose de la campagne promotionnelle de notre ouvrage « Le goudron et les plumes ». En ce moment, il doit être au pavillon Denon. » Koslov, qui était descendu au Ritz pour une nuit, demanda à Leonov d'aller au musée. Il passa à son hôtel, prit quelques documents et rejoignit son compatriote qui l'attendait dans le véhicule affrété par l'ambassade. Leonov téléphona à Zidov qu'il arrivait avec Koslov. Assis sur le siège arrière passager de la Renault Belzatis qui, gyrophare allumé, descendait la rue Saint-Honoré, le visage fouetté par l'air vif venant de la vitre à moitié ouverte, Koslov remettait de l'ordre dans ses idées avant de rencontrer Zidov. Il ne fallait pas qu'il se loupe. Dehors, dans les rues de la ville, l'effervescence commençait seulement à s'apaiser. Des vendeurs de marrons chauds entretenaient la cuisson. Des enfants léchaient les vitrines. Un couple d'amoureux serrés l'un contre l'autre se réchauffait. La Citroën zigzaguait entre les voitures avec autorité, fendant la circulation grâce à sa sirène à deux tons. « Roman m'a demandé pourquoi tu désirais le rencontrer. » s'exclama Leonov, qui ouvrait la bouche pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté l'hôtel. « Que lui as-tu répondu ? » Léonov rétorqua qu'il avait dit qu'il s'agissait d'une entrevue confidentielle, que Roman n'avait donc pas insisté et mentionné qu'il les attendait. La Citroën accéléra encore, et ils aperçurent la phare de la tour Eiffel qui balayait les toits de Paris de son long rayon circulaire. Koslov pensait à son épouse, à sa fille, à son gendre, à la joyeuse promesse qu'il s'était faite d'emprunter l'escalier, et non pas l'ascenseur, pour monter au premier étage de la Dame de Fer. « C'est le symbole de la France, » lança Léonov. « Je la trouve splendide. » Koslov hocha la tête. Arrivé au début de l'avenue de l'Opéra, la voiture descendit en trombe la rue de Rouen, longea la rue de Rivoli et franchit le guichet du Louvre. L'arc du carrousel se dressait devant eux. Ils pouvaient voir à l'ouest le musée du Jeu de Pomme et à l'est le musée du Louvre. « Roman nous attend à l'entrée de la pyramide, » dit Léonov. Ignorant les panneaux d'interdiction, la Renovéesse pénétra dans la cour intérieure en direction du pavillon Denon. L'entrée du musée se dressa fièrement sur la gauche, entourée de ses 7 bassins triangulaires d'où jaillissaient des jets d'eau illuminés. Vivement controversée lors de sa construction, la pyramide, nouvelle entrée du Grand Louvre, était devenue aussi célèbre que le musée lui-même. C'est là, au pied de la gigantesque bâtisse vitrée, que Roman Zidov, qui attendait ses 2 compatriotes, dit à Koslov en le congratulant. « Heureux de te revoir, Alexandre, depuis notre voyage en avion. Victor m'a dit au téléphone que tu désirais me rencontrer pour une raison officieuse d'importance. »« En effet, » confirma Koslov, « je n'ai pas voulu te confier plus tôt que le président et son premier ministre t'avaient retenu comme Volkodlak. Je désirais absolument que Victor, auquel tu fais confiance, soit à mes côtés pour répondre à tes questions puisque lui-même a aussi été pressenti pour cette tâche. » Surpris par le choix du chef de l'État et par la démarche secrète de Koslov, très content d'apprendre que Léonov faisait partie des agents retenus, Zidov ne savait que penser de la proposition. Koslov, qui s'attendait à cette réaction, intervint. « Pas de réponse hâtive. Pour traiter notre affaire, dit-il, je t'invite avec Victor à un repas à la Tour d'Argent. J'ai retenu une table pour toi, avec vue sur Notre-Dame. Tu vas pouvoir apprécier la spécialité de la maison, le canard au sang. »